نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وندخل في الدرس الرابع عشر. وهذا الدرس إن شاء الله يتعلق ببعض الضمائر. سيكون فيه certain ضمير qu'on n'a pas encore pris. نعم. طيب عندنا النص هنا تكست هنا الفتية هنا حامد طيب توتي حامد ما يجف على الفتية طيب خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا عمي؟ أنا بخير والحمد لله كيف حالكم؟ من أنتم؟ نحن أبناء الدكتور موسى أهلا وسهلا ومرحبا وعليكم أبوكم صديقي أبوكم تسمى يا كثير لا يتلاف قاتل خفت أين عموكم شيخ عيسى ومريض والآن في المستشفى شفاه الله من هذه الطفلة التي معكم؟ هي أختنا. ما اسمها؟ اسمها ليلى. أين بنتكم؟ بيتكم. أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن بالجامعة. أنا في الكلية الهندسة. ومحمود في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشريعة ويوسف في كلية التجارة من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ سيارتكم هو زميلي من أين هو؟ من؟ أجل. ومن إنكرتارا أي بريطانيا ما اسمه؟ اسمه ويليام أمسلم هو؟ لا هو نصراني أبوه أستاذي اسمه الدكتور إدوارد يهديهم الله إلى الإسلام أذهبتم إلى المستشفى لزيارات عمكم اليوم؟ نعم ذهبنا. لا عمكم سينيريكا سكون؟ لا زيارات عمكم كم سيكا سكون؟ لا كثرة. عمكم؟ آه tu veux dire le mime؟ نعم. Ça dépend si t'enchaînes Amikum ou Lyon. Amikum. Normalement, si tu t'enchaînes. Normalement, c'est. Alhamdoulilah. Je crois que c'est une Domma que tu mets quand t'enchaînes. Les Zirat et Amikum ou Lyon. Là, il parle de Mim après Koum. Si t'enchaînes, je crois que normalement, tu mets une Domma. Mais ça concerne l'Imlay, ça, c'est pas. Il y a des règles pour savoir quand tu mets une Domma, quand tu mets une 4 ou une 4. Là, je la connais pas, là. Il me semble qu'à l'oreille, tu dirais les ziyarati amikum ul yom. Tu vois, mais je suis pas sûr. C'est pas amikum, c'est pas comme ba'adukum. Par exemple, non? Comment ça? Là, lui parle du fait du mim après le hamzatul wasl qui vient de el yom après lui. Comme min el bayt. Lui demande c'est quoi qu'on met sur le mim quand on enchaîne. Quand tu fais la liaison. Et là, il me semble que c'est une damma, mais je suis pas sûr. طيب Min al-kalimat al-jadida, on a pris les nouveaux mots ahlan wa sahlan wa marhaban. Ça c'est une formule de bienvenue. Quand quelqu'un il arrive, tu lui dis ahlan wa sahlan wa marhaban pour l'accueillir. Et c'est une expression arabe. On nous traduirait par bienvenue, tout simplement. Souma yakou encore comme mujadid. Shafa'ahullah, ça c'est un doa, qu'Allah le guérisse. Et très souvent, quand tu fais un doa pour quelqu'un, tu viens avec un fi'l mardi. Ça t'a cool. Souvent, tu peux aussi venir avec un mudari, ou aussi un amr, mais souvent ils viennent. Par exemple, je dis hadakallah. Hada, c'est le verbe guider. Tu vois, il faut dire qu'Allah te guide. Mais nous, quand tu vas dire en arabe, tu vas dire qu'une formule au passé. Mais ça sera duré au présent. Tu vois. Mais tu peux dire aussi Allah Hadik. Tu peux le dire aussi. Mais souvent, les doigts, ils viennent avec un fi'l passé. Mardi. La shafa, yashfi, c'est le verbe guérir. C'est quoi kulliya? C'est section. Section dans les universités. Section. Al-matar, c'est quoi le matar? L'aéroport. Al-handasa, c'est l'architecture. Ce qui concerne les sciences des ingénieurs. Al-tib, la médecine, ma'alouf. Sharia, c'est la législation du din. Al-tib, quoi? Tib, c'est la médecine. Kouliatil Sharia, c'est la section de la législation, ce qui concerne la religion. Le Kouliatil Tijara, le commerce. Nafrani, vous savez quoi Nafrani? Un chrétien. Taïeb, regardez, donc là il dit Ajib an Asilati Atiya. Là on a pris un nouveau damir. طيب منفصل ومتصل الله سبحانه في المخاطب في الجبل انت انتم المنفصل هي المنفصل والمتصل aussi المتصل في بولاريو لا justement il vient maintenant il dit ah oui وكم ايوه donc c'est المخاطب للجمع المذكر tu dis انتم طيب vous donc انتم là c'est un منفصل جمل منفصل il est منفصل مخاطب للجمع Al-Muzakkar. C'est le djem de Anta. C'est le djem de Anta. Par exemple, il dit Man Antum. Et ça sera dans les questions. L'Yumesept. Et ces questions-là, elles reviennent. Man Antum, ça doit répondre par toi-même, en fait. Vous voyez donc le Tamarin 1, qui sera pour Yumesept, Inch'Allah. Là, qu'il a juste en. On commence à avoir le domir. Donc, Antum, c'est Al-Mukhatab, Jam Al-Muzakkar. C'est le Jam de Anta. Et c'est un domir Munfasil. Vous voyez, il est Munfasil. Nam, Antum. Summa yakul, Aina Beytukum. Donc, le Shahid, Kum. Là, c'est un domir. Aina Beytukum. C'est un domir Mutfasil. Vous voyez? C'est un damir muttasil, votre. Où est votre maison? Pareil, c'est un damir al-mukhatab, jam, lakin là il est muttasil. De quoi? Le bikum là? Fi baytukum. Kalimat baytukum. Kum, c'est damir muttasil. Fi baytukum, je ne vois pas. Aina baytukum. Après man antum. Damir muttasil. Le deuxième c'est Muttasil. Non, mais juste Damir Muttasil. Aantum, mais Baytukum c'est Muttasil. C'est juste le Kum. Non. Tayyib, le Mukhatab, le Jam, le Muzakkar. C'est le Jam de Ka. Baytuka, Baytukum. Tayyib, Baytuka pour ta maison, Baytukum pour vos maisons. Kum donc Damir Muttasil. Non. Lui aussi les mukhatab. Non. À votre question, pourrez répondre, Inch'Allah. Fil bayt. Tayyib. Souma yakul, ikra, waktub. Nahnu muslimuna. Allah Rabbuna wa l'islam dinuna wa nabiyu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam rasuluna wa al-Qur'an al-Karim kitabuna wa al-Ka'batu kiblatuna wa l'arabiyatu lughatuna. Regardez, donc là on a notre damir. Mahou, c'est quoi le damir? Nahnu. Ayyib Nahnu. Juste après. طيب نحن مسلمون لون النوفو دمير نحن لا سي متكلم الجم سي الجم دو انا نو طيب نحن اذا دمير منفصل لا اله منفصل نحن مسلمون اي نو سوم دي مسلم دونك لا نحن اي كوا انا فاز دبل منفصل شو ما دي متكلم مبتدا احسنت ومسلمون خبر متكلم نعم ضمير منفصل متكلم اي ça c'est y a pas ça c'est مذكر ومؤنث نعم اللي ميكست الله ربنا الله لا اله كوا لو جلاله dans la phrase il est نعم مبتدا ورب خبر اي اللي مضاف Et là, on a un autre moudof, on a un demi moutassil là, c'est na. Vous voyez? Là, c'est le même que nahnu, sauf qu'il est moutassil. C'est d'autres seigneurs. Vous voyez? Donc, c'est damir moutassil, moutakallim. Al-jam. Là, il est moutassil. Et il est moudof, il est dans la phrase. La forme, Allahu Rabbuna. Wal-islamu dinuna. Vous voyez? Décortique cette phrase, Mohamed. Al-Islamu dinuna. Al-Islam. Mubtada. Naam. Dinuna. Dinuna, bah. Dinu. Bah, il est moudaf. Avant. Bah, il est khabar. Naam. Il est moudaf, il est na. D'abord, il est moutassil, et c'est un moudaf, il est. Ahsant. Wal-Nabiyu Muhammadun, sallallahu alayhi wa sallam, Rasuluna. Ah, si t'arrives à trouver l'irab de Mohamed, Masha'Allah, Abdel Kader. Al-Nabiyu, c'est quoi? Mubtada. Mohamedun. On a dit Damir Moun. Qui pourrait-il être? Là. Si on s'arrêtait à Mohammedun, ça aurait pu être un khabar. Tu aurais dit Nabi Mohammedun, mais là tu as une suite derrière. Donc là il n'est pas khabar. Qu'est-ce qu'il pourrait être? C'est un truc qu'on a déjà pris, seulement on n'a pas pris sous cette forme-là, mais on l'a déjà pris. C'est pas un truc nouveau, juste c'est sa forme qui est nouvelle. Et son irlab, on l'a déjà prise. Et c'est lui qui a mis les pépites dans ton truc. Mofid. Tu vois pas? Mohamed, tu peux aider Abdelkader? Mohamedoun. Qu'est-ce qu'il pourrait être? C'est un badal. Ahsen. C'est un badal. Il n'y avait pas une foulaine, j'ai pas. Mais tu vois que t'as compris. Hein? Tu vois que t'as compris. Donc il n'y a pas forcément d'avoir Alif Ullam. Hein? Là c'est une autre forme de badel. Mais c'est un badel. Parce que en fait Mohamed c'est le Nabi. C'est la même chose tous les deux. Tu vois? Donc si je dis Dja Sahibi Abdel Kader. C'est qui mon Sahib? Abdel Kader. Tu vois? Là Sahibi il va être Fayaïl et Abdel Kader ou Abd plutôt il va être badel. Parce que c'est lui Sahibi. Abdou, le badel c'est juste Abdou. Non, c'est le Moudaf. C'est l'autre. Le Kader, c'est le Moudaf Ilay. C'est toujours le Moudaf qui prend le. C'est pas Hein? Si, et ça fait quoi? Ouais, ça. Ça fait la nature, ça. Ça change rien. Il est quand même Moudaf, il est balal. Non. Ah ouais. Vous voyez? Donc là, Mohammedun, il va être Badel de Al-Nabiyyu. Et Rasuluna, Rasul, c'est lui le Khabar. Vous voyez? Rasul, c'est lui le Khabar. C'est pareil quand ça fait Mohammedun, Rasulullah. C'est la même chose. Là, quand tu dis Mohammedun, Rasulullah, là, c'est Mohammed Mubtada, Rasul, Khabar. Tu t'arrêtes, T'as un mouton ou t'as un khabar? Mohamed ou Rasulullah. Si tu t'arrêtes comme ça, t'as un mouton ou t'as un khabar? T'as une jumelle moufida. Par contre, si tu continues, ça va prendre la suite. Ça dépend ce que tu vas dire après. Ça dépend de ce que tu vas dire ensuite. Mais si tu t'arrêtes comme ça, là, t'as une jumelle moufida. Mohamed, Rasulullah. C'est-à-dire Mohamed et le messager d'Allah. Ou un rasoul, comme on a dit, khabar et moudaf. Ou un Adamé Moutassil Moudaf Ilay. C'est quoi que Adamé Moutassil Moudaf Ilay? Non. Al-Qur'anul Karimu Kitabuna. Ça, on l'a pas vu sur la même chose, on l'a pas vu encore. Ça, non. Facile. Donc, on a dit que un rasoul, c'était khabar. Et l'autre moudaf, un Adamé Moudaf Ilay. Non. Al-Qur'anul Karimu Kitabuna. Mohamed. Al-Qur'an. Aïwa, Al-Qur'an, c'est quoi? Al-Qur'an, c'est khabar. À quel là? Al-Qur'an, non, wa déjà, c'est waou. Laisse le waou. Ok. Al-Qur'an. Al-Qur'an, Karim. Wa, bah, c'est banal. Ah bon? Non, là. Ah bon? Fa'il. Ism Shara. Al-Qur'an, Karim. Al-Qur'an, il est quoi? Sahel, il n'y a pas de mouchkila, il n'y a pas de piège. Il est quoi le Coran là? Al Quran ul Karimu Kitabuna. Il est quoi le Coran là? Normalement, je vais taper là, ça, c'est ce qu'il a dit hier. De quoi pour le bar? Là, là, t'as dit. Ah. Là, pour ce que tu m'as dit hier, là, normalement, je vais te taper parce que t'arrives pas à trouver l'irlab de ce mot là. والقرآن ايوه اه تصور بالكريم يبقى يبقى يبقى مبتدا لا تعطى دي مبتدا تعجب دي مبتدا تعطى دي مبتدا تعطى دي خبر اما جي فيه اه تبقى pareil attention et si jamais tu ne crois pas je te fais écouter ta voix تعطى دي مبتدا et lui le شاهد تعطى دي مبتدا pour terminer pourquoi j'ai dit خبر je sais pas t'as devancé t'as voulu dire مبتدا et ta langue a dit خبر en tout cas T'as dit khabar, t'as pas dit mubtada, sinon on aurait déterminé. Naam, mubtada. Wal karimu khabar. Non. Ah, akaza. C'est kitabna khabar, mais wal karim, Quran karim, ouais, la karim, c'est. Il est badal. Il est badal. Ouais. Akaza. Non, d'accord? Naat. Le naat. C'est ce qu'il écrit, hein. Bon, khalas. Tiens, mets-le derrière, sinon il va finir par terre. C'est quoi déjà le mot qui a été avant, manote. Le mot qui est qualifié. Ça, c'est pas grave. C'est si tu trouves le nain. Donc, Quran ici, les manotes aussi. Non. Quran et le plus important, c'est que tu trouves le nain. Le mot manote en lui-même, il n'est pas... C'est pas... Quand même. Ou kitab, meilleur le kitab. نعم ايه ايه ايه ضمير نعم ضمير كو متصل نو مسمي على ابو بصر ناتيو مضاف اليه مضاف اليه احسن شو سي لا تاعي ودي كورتيكي لا سي با سا سي سي لا سي لا سي فراجيل باسكو سي او ديبي. Et après, à force, qui tape un livre, deux livres, trois livres, ça va être là. Ça va être là au fur et à mesure. Parce que c'est le début, c'est fragile. Voyez, wal ka'batu kiblatuna. Bah pareil, ka'ba, mutada, kibla, khaba, wana, mudafilei. Al arabiyatu loratuna. Al arabiya, mutada, lorat, khaba, wa mudaf, wana, mudafilei. Voyez, yakul, eina. مدرسكم يا إخوان خرج الآن للفصل وذهب للمدير و votre professeur ou les frères il vient de sortir de la classe et est parti chez le directeur. Donc le شاهد مدرسكم طيبكم الضمير نعم متصل ça on l'a vu non نعم c'était juste pour que le شاهد tu vois qu'il te montre un exemple dans le texte. ثالثا في أي شارع بيتكم؟ بيتنا في الشارع الذي أمام المحكمة. طيب là on a un truc nouveau. Non. Là on a un nouvel élément. Ça va venir. Là on a un nouvel élément. Ay. La ay c'est quoi? C'est un ism istifham. Non. Tu veux dire lequel? Voyez. Tu veux dire lequel ou laquelle? Ça dépend ce qu'il y a derrière. Ay. Là, par exemple, c'est dans quelle rue se trouve votre maison? Si ay shari'in baytukum. Dans laquelle? Non. Et il est tout un boudof. Il est derrière lui. En général, on va dire à 90%, il est suivi d'un boudof et l'ayi. Par exemple, moi je dis Ayyukuma Mohamed. Lequel de vous deux est Mohamed? Ayyukuma. D'accord. Ayyukuma Mohamed. Lequel de deux? Et tu vois, des fois il parle. Par exemple, quand tu lis des livres des Alamek, il parle. Et après, il y a deux points, Ay. Ah, ça veut dire, c'est-à-dire. Là, c'est un autre Ay. Ay, ça veut dire, ouais, ça veut dire Yarni. D'accord. En quelque sorte. Tu vois. C'est pour préciser. Okay. Pour préciser. Donc là, on dit Ayyu Shari'un. Si Ayyi Shari'in Baytukum. Ouais, si, parce qu'il y a un fi devant. Donc là, il... Mais c'est un isma. Hein. Ay. C'est quoi Ayyun? Ayyun, nam. Et attention, il peut être d'autres choses. C'est pas tout Ay qui est Ism Stifham. Vous voyez? Il peut avoir d'autres natures. Là, on a pris Ay Ism Stifham. Il peut venir, il peut avoir un autre sens. C'est pas que tu vois Ay, tu penses tout de suite que c'est un Ism Stifham. Non, il peut être autre chose. Vous voyez? Ils sont plus de mots comme ça. Ma, par exemple, ma, il peut avoir plein de sens. Ma, en langue arabe. Il peut avoir plein de sens. Au fur et à mesure, on écoute tout, tu veux les apprendre les différences. Ma, il a plein de sens. Il peut avoir plein de sens. Faut pas croire que ma, c'est mon nefia. Ça fait plein de choses différentes. Mais toi, au fur et à mesure, avec la simulation, tu vas cerner ce qu'il veut dire. Et Ay, il est pour laquelle et lequel, ou là, c'est le masculin? Ça dépend de ce qu'il y a derrière. Nous, en français, Sha'ari' c'est rue. Ça va être féminin. Donc on va dire laquelle. Mais lui, il reste comme ça. Mais lui, il reste comme ça. Féminin ou masculin, il reste comme ça, il change pas. Non. Mafoum, Ay. Et c'est un ism, hein. Ism, istifham. بيتنا في شارع الذي أمام المحكمة. Notre maison est dans la rue qui est devant le tribunal. محكمة c'est non, tribunal. محكمة c'est pas justice ça. Hein? C'est pas justice. Non, tribunal, justice c'est عدل. Ou une صاف ou. Alors quand je voulais justice, pas maison, truc de justice. C'est ça, tribunal. Tribunal. طيب. رابعا. أبونا صديق عمكم. Mon père est l'ami de votre oncle. Donc le shahid Abu Na Lana Tayyib Damien Moutassir Mutakallim est notre père. Sadiqu Ammikum. Mais Abu? Abu Mutada. Juste Mutada. Non, Mutada et Mudaf. Sadiqu, Sadiq il est Khabar, il est Mudaf. Am Mudaf ilayhi et Mudaf. Wakum Mudaf ilayhi. Ah. Am il est Mudaf et Mudaf ilayhi en même temps. Il est Moudaf Elayi de Sadiqou ou le Moudaf de Koum. Non. Koum, il n'y a que Damir. Antum Moudarrisouna, la Nahnu Atibbaou. Êtes-vous. Ils savent que c'est un petit lui. Hein? Ouais, il ne faut pas se défendre. Ils savent. Il est inoffensif, alors à l'attaque. Antum Abne. Non. Antum Moudarrisouna, êtes-vous des enseignants? La nahnu atibba'u. Non, nous sommes des médecins. Donc le shahid, antum. Vous, tayyib. Et nahnu, nous. Antum abna'u al-mudiri. La nahnu hafaratuhu. Êtes-vous les fils du directeur? Non, nous sommes ses petits-fils. Hafada, c'est le diable de hafid. Et hafid, c'est le petit-fils. Vous voyez, Hafid, là, c'est le petit-fils. Hafada, c'est le diable, tu m'as dit? Non, ouah! Hafada. T'as mort, Aya. Aya. Aya. T'as mort. Aya. Il va faire son rebelle, là, d'après lui. Ouais, elle a compris. طيب مدرستنا كبيرة ومدرستكم صغيرة. Votre enseignante est grande et notre enseignante est petite. Lana hadikatun jamilatun fi tilkal qariya. Nous avons un petit jardin, un beau petit jardin dans ce village. Tilka al qariya al ba'id Muhammad. طيب لنا حديقة جميلة. Tu peux faire dire là dans cette phrase. لنا حديقة جميلة. لنا مبتدا. Non. Je le yakin, moi je veux la certitude. Faut faire mubtada lana. لا ouais. La. T'as mouafir Mohamed. D'accord. D'accord avec lui. Il a dit la nam tada. Je l'ai fait. Ouais, moi aussi je dis ça. Hein. Ouais. Un harf au jar. Il y a un esma jour au mouktada. Là c'est un harf au jar. La harf au jar. La nam. A nous. Aïe, ouais. Comme la ka. Li. Ah ouais. لم الناس حرف جر ملك حرف جر بالناس إن ال ال الناس الدمير سكمل تدي في فيه لنا سكمل فيه في حرف جر على كذا دمير يبغون مبتدا خشامي مبتدا مبتدا سا اسم توجو لا حرف جر اسم مجرور دوك المبتدا اللي هو أيوة مبتدا مؤخر جميلة مبتدا مؤخر دونك نعم لنا في خبر مقدم طيب مفهوم لنا اللي خبر مقدم حديقة مبتدا مؤخر جميلة نعت طيب دو حديقة attention à ça مبتدا c'est que un اسم des fois on se prend la tête alors qu'on faudrait juste voir si c'est ism ou pas. Surtout en Gabia, là ils ont pas mis les harakas. Non, là t'as ism marfoua. Et l'autre c'est harf jar. Donc tu fais passer le hadika en premier, en priorité pour que ce soit mutada. Akhuna talibun fi kulliyat at-tib. Tayeb, le shahid akhuna, et notre frère, est étudiant dans la section de la médecine. أنتم أطباء؟ le A c'est quoi? C'est un harf où ça? Le A harf istifham. Harf istifham. Harf istifham. أنتم أطباء؟ بعضنا أطباء وبعضنا مهندسون. Êtes-vous des médecins? Certains d'entre nous sont médecins et certains d'entre nous sont ingénieurs ou architectes. Donc là le shahid أنتم طيب بامير وبعضنا متصل نحن c'est-à-dire certains d'entre nous, c'est ça le shahid. Allah ربنا وربكم. Donc Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. Donc là le shahid ربنا est notre Seigneur وربكم votre Seigneur. Donc Allah l'affe du Jalala. Là il est Moutada. Ouais il est Moutada. Et Rab. Khabar. Khabar. Wana Damir. Nam. Moutafil. Moutafil. C'est un Moutafil. C'est un Moutafil. Wa. Non c'est un. Il est juste l'Arabe de la phrase. Wa Harfat wa Rabukum. Martouf. C'est-à-dire il prend la même chose que celui qui est avant le Waou. On n'a pas encore pris, ça viendra après. Martouf. Aïe ouais. Ça viendra après Inch'Allah. Va pas trop vite Mohamed. Ça va trop vite, en fait. Ça, c'est pas encore là. C'est putain, Inch'Allah, ça viendra. Mouhim, t'es compris, Moutad al-Khabar. El Nat, El Badel qu'on a pris. Taïeb. Et les Damir. C'est ce que vous en quittez. Les choses qui sont nouvelles, si tu les connais, Alhamdoulilah, mais si tu les as pas, c'est pas. Tu vois. Faut pas que les choses nouvelles t'empêchent de s'amener les choses primaires. Les choses du Kitab. Taïeb. Ah, tiens. Cheikh Jadid. أين ذهبتم يا إخوانو؟ ذهبنا إلى السوق. طيب. لا منون الضمير متصل فاعل. أكوشي وذعب. في أين ذهبتم؟ أي أنتم. و أدفو ألي. طيب. نحن نقول ذهبتو. شو سيزالي؟ ذهبتا. tu es allé. Zahaba, elle n'a pas compris. Zahaba, elle n'a pas compris. Zahaba, il est allé. Zahabat, et hiya, elle est allée. On a pris Zahabou, ils sont allés. Wa alaykoum salam. On a pris Zahabna, et Hunna, les femmes, elles sont allées. Maintenant on prend Zahabtoum, vous êtes allés. On n'a pas vu Zahabtoum. Non. Elle n'a pas pris encore. Zahabou, ça on l'a vu. On a pris le Ra'ib jusqu'à présent. Ra'ib ou Al-Mukhatab, le Mufrad. Maintenant on prend le Jam. Zahabtoum, et vous êtes allés. Aïda Zahabtoum, ya Yikhwan. Où vous allez, ou les frères? Donc comment tu vas répondre? Wa alaykoum as-salam. Zahabna. Nahnu. Zahabna ila souk. Donc maintenant, là, c'est l'ishkel. Attention entre Zahabna, nahnu, et Zahabna, et Hunna, et Nisa. Là, c'est dans la prononciation que tu vois la différence. Et dans le sens de la phrase aussi, tu arrives à les fermer. Si on dit entoum, ça va être nahnu. Zahabna, ça peut, c'est pas obligé que ça. Ça, c'est. Ben non. Si je dis Zahabna, par exemple, moi, il lui Zahabna. Oui, non. Mais si tu dis sans alif, c'est pas Zahabna. Ça va être une Nisa. Là, ça va être Hunna, et Nisa. Donc attention quand vous parlez à ce moment-là, ou quand vous. À différencier entre les deux. Mais si vous dans la phrase, ça arrive à se fermer entre les deux. Tu vois, si on vous parle à vous, et Entoum, ça va être Nahnou. Vous voyez? Donc là, Zahabtoum, Toum, là, c'est Sa'il. Et Zahabna, le Na, là, il est Sa'il. Le na il est fa'il. Il est fa'il. El toum il est fa'il. Ah ouais, parce que Zahaba c'est le fer. Non, Zahaba c'est le fer. Ou toum est la kaza. Toum aussi c'est fa'il. La kaza. Oh, t'inquiète pas, il passe pas. Parce que pas qui passe, il est bouche. Donc toum il est fa'il. Hein? Non. Comme le na aussi il est fa'il. Non. Les mouches, elles aiment trop les enfants. Ado Kayoub. Kayoub. Regarde, ça c'est un djumlat fi'aliya et ça c'est un djumlat ismiya. La première, Inna Zahabtoum. Voilà, ça c'est ismiya. Ah, c'est social, ça viendra après. Non. Zahabda, non, c'est Chaliya. L'autre, ça viendra plus tard, Inch'Allah. Yallah, ben un peu plus difficile. Bah, Zahabna, ça c'est. Zahaba, ça c'est. Fialou Mahdi. Na. Fa'il. Na Fa'il. Il a Hafja. Non. Wassou, c'est. Isma Jura. Non. Fakat, il n'y a pas un autre truc. Il n'y a rien d'autre. Il a Sauf ou Al-Khabar? Non. Là, il n'y a pas de Khabar. Alors, c'est quoi, il a Sauf ou Al-Khabar? Majro. Il a Sauf ou Al-Khabar? Majro. Il a Sauf ou Al-Khabar? Non, c'est la mesure. Ça va venir. Il n'y a rien. Il a Sauf ou Al-Khabar? Voilà, parce que la phrase, elle commence par un verbe. Parce que la phrase, elle commence par un verbe. Tu te mets ça dans un verbe. Tant qu'elle commence par un verbe. Sauf ou Al-Khabar, c'est la mesure. Il n'y a pas de Khabar, il n'y a pas de mot. طيب ثالثا اضيف الاسماء الاتيتين للضمائر كما هو موضح في المثال donc il veut qu'on mette les ضمير ومتي les ضمير qui sont là مضاف اليه au mot qui sont présentés par exemple il dit بيتون tu vas dire بيتكم بيتنا طيب أمن أم ضمير نعم tu mets ضمير أم أم أم avec mais n'importe quel ضمير لا لا كم ou نا لا بيتكم لا أم Ummukum. Hein? Nam. Ouais. Et le deuxième. Ummuna. Nam. Ammun. Ammukum, ammuna. Sadiqun. Sadiqukum. Sadiqukum. Madrasatun. Madrasatukum, madrasatukum. La. Hey, commence. Hey, خلاص. Aya. Madrasatukum. Abukum. Non, Abukum. Abuna. Abouna. On a dit que Ab ou Ar, quand ils sont Moudof, ils sont Marfou, c'est qu'un Waou. Abouna, Aboukoum, Akhouna, Akhoukoum. Bah tiens, j'ai donné Ar. Bah, vas-y, répète-le. Akhouna. Aïe, maintenant, il donne des exemples de Ay, comme on a pris Ay, Ism Istifham. Yakoun, Ikra. Ayyoumin Hada. Comment on dirait? Aïe yomin hada. Hada yom. On va parler. Hada yom. Aïe yomin hada. Quel jour est ça? Aïe, quel est ce jour? Quel jour on est là? Hada yom septi. C'est samedi. Aïe shahrin hada. Shahrun Rajab. C'est ça qu'il a écrit? Non. Hada shahrun Rajabin. C'est le char de Rajab. C'est le mois d'Arjab. Ayu kouliatin hadihi. Quelle est cette section? Hadi kouliatou tijara. Section du commerce. Kalimatou tijara. Hein? Ils m'ont mis kalimatou tijara. Ah, ils vont me tromper alors. Vi ayi madrasatin anta. Dans l'école, dans quelle école es-tu? Ana fi al madrasati al mutawassitati. Je suis dans. Je suis au collège. Au lycée. Min ay baladin anta ya ukht? Ana min al Yunan. De quel pays es-tu? Yunan, c'est la Grèce. Yunan, c'est la Grèce. Min ay baladin anta? Anti ya ukht? De quel pays es-tu, ô sœur? Ana min al Yunan, je suis de la Grèce. Vous voyez, là il y a un difficile. Donc, Aïe, on a dit c'est quoi? Un ismu istifham. Et dans Aïe yu min hada, on va prendre l'ob. Aïe yu, il va être quoi? Ismu istifham. C'est quoi ce nom l'ob? Il va être khabar mukaddam. Et les moudaf. Et yu min moudaf ilayhi. Wa hada, c'est mutada mu'akhar. Sachez-le. Ayou, il est khabar mukaddam et mudaf. Yomin, mudaf ilayhi. Wa hada, mutada mu'akhar. Y'a'na mudhalik. Khabar mukaddam, mudaf. لا مضاف إليه خبر في أي خبر في أي خبر مقدم وعليكم السلام لمبتدا مؤخر قلت هو خبر مقدم مبتدا مؤخر في هذا لا خبر مقدم جدي أيو أيو في خبر مقدم اللي مضاف يوم مضاف إليه وهذا مبتدا مؤخر Non, c'est ça que t'as dit. J'ai dit Hada Muftada. T'as dit Ey Muftada. Non. T'as dit Ey Muftada, tu t'es pas rendu compte. Et t'as dit Yom Khaba. Hada Muftada. On a un Shahid. T'as enregistré. T'as dit Ey. T'as dit Ey. T'as dit Ey Muftada. Tu t'es pas rendu compte. T'as dit Ey toi. C'est pour ça que t'as dit non. Et Yomin c'est quoi? C'est Bouddha, c'est Ey. C'est tout. Et Hada Muftada Muakhar. Donc le Moutada Mouakhar, il n'est pas obligé de venir directement après le Khabar Mouqaddam. Ah, il peut avoir un tête contre deux. Eh, hey. La tête d'un fourdon. Ijlis. Dekhi. Oui, les Moudas. Tayyip. Maintenant, on va prendre quoi? Une règle qui concerne les noms propres étrangers, qui ne sont pas arabes. Ces noms propres là, vous voyez, ils ne sont pas de tanwin. Ni ce dhamma, ou une fatha. Ils ne prennent pas de fatha. Vous voyez, là, ça viendra, Inch'Allah, là, ça. Ça s'appelle William. William, c'est un nom arabe ou pas? Non. C'est pas noir. Donc, tu vas dire William. En fait, ils prennent la même règle que le nom, les noms propres féminins. Mm-hmm. Aïcha, ouais. Fatima. Ils rentrent dans la même règle. Vous voyez, mais c'est écrit sans tanouïd. Je peux dire William. Non. C'est pas Khata. Ça dépend ce qu'il y en a devant. Je veux dire, Williamo, Eduardo, Eduardo c'est Edouard. En dessous, après Aïe. London, c'est Londres. C'est-à-dire Londono. Barisou, c'est Paris. Pakistanou, c'est le Pakistan. Istanbulou, c'est Istanbul. Ibrahimou, c'est Ibrahim. C'est pas arabe. Non, c'est pas noir. C'est hébreu. Je sais pas c'est quoi, mais c'est pas arabe. C'est pas noir. C'est pas noir, Ibrahim. C'est le nom juif, ça. Bon, quand je te dis. On sait pas. On connaît pas la langue d'Ibrahim. Bon, c'était. Ma kana Ibrahim ou Yahoudiyam ou Al-Nasraniyam, ou Alakin kana Musliman Hanifam ou ma kana Musliman. Ou Hanifan Musliman. Donc, c'est pas la langue qui parle Ibrahim, moi j'ai pas de Dalil, je connais pas ça. Ismaïlou, Ishaqou, Yaqoubou, Ayoubou, Suleymanou, Daoudou, Yunus, Idriss, Ibrahim, Mikaïl, Fil'aoun. C'est tous des noms étrangers. Des noms qui sont pas arabes. Vous voyez ? Ce sont les noms arabes. Dans le Coran, des Anbiya, t'en as que 4. T'as Mohamed, t'as Shu'aib, Salih et Ghuzayl. Ces 4-là. C'est des noms arabes. Ghuzayl, lui, il est venu après qui ? Ghuzayl ? Il est venu après qui ? Ghuzayl, je ne sais pas après qui il est venu. Il est parmi les Anbiya de Bani Israël. Parce qu'ils l'ont adoré. Et ces 4-là, seulement, sont des noms arabes. Il y a aussi Ahmed. Ahmed. C'est un noir. Mohamed. Non, c'est Mohamed. Il y a aussi Ahmed qui est venu. Mais Ahmed, il rentre dans les noms qui prennent pas de Tanouin. Vous voyez, donc tous ces noms-là, ils s'écrivent sans Tanouin. Les noms étrangers. Ça ne veut pas dire que tous les noms n'ont pas de Tanouin. C'est pas des noirs. Non, bah, Aïcha. C'est un noir arabe, il n'y a pas de tanoui. Il y a des causes, il y a des causes, ça viendra après. En fait, il y a des catégories, tout va être clarifié, Inch'Allah. Tayyib. Moukbil. Ikra al-mithal, thumma hawil li jumel atiya mithlahu. Donc là, on a une phrase avec un verbe et un sujet, vous devez la mettre au pluriel. Mathalam, anta zahabta ila madrasati. C'est devenu antum. Zahabtum, il est al-madrasati. Donc on fait que antum alors. Naam, ça c'est pour Yomesset. Ça c'est à la maison, Inch'Allah. Vous faites comme l'exemple cité au-dessus. Vous voyez ? C'est pas dur. Vous mettez le damir, antum. Tayyib. Al-kalimat, la. Mais défends-toi ! Eh ouais. Tu ne devais pas agresser pas des bouches comme ça, là. Hein, Ijlis. Al-Kalimatu Jadida. Hafid, Al-Hafidu, on a dit c'était quoi ? Al-Hafid, c'est. Petit-fils. Ouais. Al-Jam, Hafada. Ijlis, Hafada. Al-Kulliya, la section. Al-Jam, Kulliyat. Mis Kulliyatu Tib, مثلاً. Kulliyatu Sharia. Kulliyatu Handafa. Kulliyatu Tijara. Al-Mahkama, on a dit tribunal. Al-Akh Ma'louf. Tayyib, c'est le frère. Al-Jam, Ikhwatun ou Ikhwanun. Tayyib, soit Ikhwatu ou Ikhwanun. Ahlan wa Sahlan wa Mahraban. On a expliqué une formule d'accueil. Ça peut être aussi pour dire au revoir. De quoi Marhaban aussi, les Arabes peuvent le dire pour dire au revoir. Tu vois. Mais souvent, c'est employé pour la bienvenue. Al-Yunan, c'est la Grèce. Nasrani, c'est un chrétien. Ça, c'est un mufrad. Al-Jam, Nasara. Nasara, c'est les chrétiens, c'est le Jam. Le mufrad, c'est Nasrani. Et Nasara, c'est le pluriel. Al-Balad, c'est le pays ou le contrée ou une région. Ça peut être plusieurs choses. Bilad, c'est le Jam. C'est Bouldan aussi, il peut être un jam de Balad. Bouldan. Al-Yum, Akhazna, Damaïr Jadida, on a pris des nouveaux Damaïr, on a pris Antum, Mutfasil, Mukhatab, Jam, Muzakkar. On a pris Mutfasil, Beytukum. On a pris Damir, Jam, Mutakallim, Vous voyez, nahnu. On a pris combien de demi-heures aujourd'hui? Deux. On a pris deux demi-heures. Nahnu ou antum? Après, je divise en moutassil ou moutassil. Et on a pris celui qui va au verbe. Zahabtum, antum, wa zahabna nahnu. On a pris un niveau, nouveau ism stifham, ay. On a dit que ay, à 90%, il vient moudof. Derrière lui, moudof, il est. Et on a pris aussi les noms propres. Arjami, c'est les noms non arabes. Vous voyez, ils ne prennent pas de tanouim. Miss William, Edouard, Sarkozy, donc Chirac, tu vas dire comme ça. Bush. Donc Zahab. Qatarahum Allah. Zahab, tout le monde a dit que c'était pas bon. Mais ça a donné le monde facile. Moutafil. Moutafil. Mais c'est le PL. Vous voyez, on a mis deux exercices pour Yabessat, Inch'Allah. Mais là, il est fin, ouais. C'est pas un phare, c'est pas un phare. Là, il est présent. Ma foule ? Aïe là, voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.